Leçon 21. 21e leçon. Projet de vacances. Première partie. C'est Monsieur Louvier qui parle. Ce soir, après le dîner, nous allons parler de nos vacances. Nous, c'est-à-dire ma femme Louise, mon fils Georges et moi. 'Valérie sera là, elle aussi, je suppose. Elle accompagne Georges partout. Je dois avouer qu'elle m'agace un peu, cette jeune fille. Georges la fréquente sérieusement. À mon avis, ce n'est pas le genre de jeune fille que Georges peut épouser. Je serai content quand elle retournera au Canada.